Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. On va parler des castors de Dolbeau. C'est la première chronique des castors. On va en avoir plusieurs des chroniques des castors de Dolbeau. Mais là, évidemment, je pense qu'ils commencent leur saison. C'est en fin de semaine que David Lamontagne me dit. Quoi qu'il en soit, on va parler avec l'instructeur chef qui est Robin Boulian cette année. Salut Robin! Bonjour Danny, ça va bien. Robin, c'est un retour aux sources pour les castors cette année après un an d'absence. L'année passée, on se rappelle un petit peu la saga qu'il y avait eu, faute de joueurs. Comment ça va cette année? Ben, ça va quand même bien, Danny. Le camp d'entraînement tire à sa fin. On joue deux matchs hors concours en fin de semaine. On avait tout près de 35 joueurs là, au camp d'entraînement. Okay. L'équipe est présentement formée, donc il reste juste à se fine-tuner pour le début de la saison là, avec deux matchs hors saison contre Saint-Félicien en fin de semaine. 35 joueurs, ça veut dire que c'est beaucoup, ça? C'est pas mal le fun. Je veux dire, l'année passée, c'était 15-16. C'est-tu 35 joueurs de qualité qu'on peut dire? Ben, il y avait du bon calibre quand même parmi les 35 joueurs. Là. Mais 35, on dit que c'est gros, mais c'est quand même pas beaucoup si on se compare au bassin là, des autres secteurs. Là. Saint-Félicien, il y en a tout près de 90. Puis, même chose pour Alma. Donc, mais c'est mieux que l'an passé. C'est pour ça qu'on a réussi quand même à faire une équipe cette année. OK. Là, ça va être quoi la force de l'équipe cette année? Écoute, je te dirais que on est une équipe bien balancée. On aura une bonne offensive, une excellente défensive aussi, puis deux bons gardiens de but. Donc, je peux pas dire qu'on va être une puissance offensive ou bien on va être très excellent défensivement, mais on va être bon partout. OK. Je pense qu'on est bien équilibré là, comme en tant qu'équipe. OK. Dis-moi, est-ce que tu... je veux dire, il y a quand même passablement de joueurs. Mais c'est dur de faire un constat quand tu n'as pas vu les autres équipes, toutes les autres équipes de la Ligue. Là. Il peut arriver un paquet de blessures, il peut arriver toutes sortes d'affaires. Là. On pense ça, mais... On connaît pas beaucoup les forces en présence non plus. On sait toujours que... Saint-Félicien, ça va être très bon. On va avoir une bonne indication là, en fin de semaine. Mm. Mais c'est sûr qu'on ne se fixe pas d'objectif de terminer ou au classement, mais on veut miser surtout sur la progression. Là. D'autant plus que l'an passé, il y a des joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer l'expérience du Midget 2B. Ils ont joué Midget A. Fait qu'il y aura une période d'adaptation là, au début. Okay. Donc, il faut s'attendre à ça. On a eu un début de saison peut-être un peu difficile, mais qu'on va miser sur la progression tout au long de la saison. OK. Si l'ambiance est bonne, moi, ça m'a surpris qu'on nomme Robin Boulian avec le temps que tu gères une entreprise, c'est pas facile nécessairement, c'est beaucoup de temps, beaucoup de tracas. La vie familiale, t'as réussi à trouver du temps pour... Écoute, quand on me l'a demandé l'an passé, c'est sûr que moi, avant de donner une réponse, je regardais s'il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées là, à travailler avec moi. Puis je pense que j'ai réussi à bien m'entourer. Là. J'ai Guillaume Lagarde qui a déjà coaché les Éperviers, qui coache avec moi. Ouais, j'ai déjà parlé. L'an passé, Bantam 2B, qui apporte une bonne expertise. Olivier Boutin avec les gardiens de but aussi, qui a fait un très bon travail l'an passé. Puis on a un jeune, Jérémy Tremblay, qui a joué tout son hockey mineur ici à Dolbeau-Mistassini, puis qui a le goût de faire le saut, puis qui est prêt à mettre du temps là, pour s'impliquer. Puis il a une bonne approche avec les joueurs. Donc, c'est sûr que ça m'a, avec ces trois personnes-là, ça m'a donné le goût là, de y aller, étant donné que... Donc, tu vas déléguer beaucoup, parce que ton entreprise, déjà, arrête pas de progresser. Vous avez quand même 45 employés maintenant. Donc, tu es là, mais tu vas superviser ça, parce que Guillaume, il a quand même l'expérience. Là. Tu sais, j'ai fait plusieurs entrevues avec, puis il a l'expérience aussi. Là. Absolument. Il y a beaucoup d'expérience. Et oui, ça va être un travail d'équipe. On va, chacun va avoir son rôle à jouer avec l'équipe. Et on va miser d'abord et avant tout sur le développement des joueurs qui vont nous permettre de développer notre équipe. OK. Donc là, l'équipe est complétée. Est-ce que les coupures ont été difficiles à faire? Est-ce que c'était quand même... C'est tout le temps pas facile. Ouais. Dans les dernières retranchements, mais on va quand même s'affilier des différents joueurs qui vont pouvoir pratiquer avec nous cette année. Puis, mais non, je te dirais que c'est pas facile les dernières coupures. Bon. Ben, Robin Boulian, gros merci. On se repasse. Ça va être un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis. Fait que, comme on le faisait les autres années que les Castors étaient là. Parfait, ça fait plaisir. L'instructeur-chef des Castors de Dolbeau, Robin Boulian.